Sixième plus A, A comme. Adoration, aliment, art, assoiffé, accident, accélération, autoportrait, avant-garde, art, Étienne plus A, plus A, Étienne plus A.